des petites putes, t'as compris ce que quoi? Ouah, on est dérangé de t'avoir vu, de t'avoir vu. Alors nous on veut de la coque comme madame, ta dame, j'nique de la colle à l'école, c'est pas vrai. Oh, t'as compris ce que quoi? Ok, c'est pas compliqué, on va t'expliquer qu'on va tout niquer dans un putain de palace à Las Vegas. On se prélasse, on n'a pas des frères et des sœurs. Manger du hou, on te casse le cou. Petite pute, t'as compris ce que quoi? T'as compris ce que quoi? Nous, on est dérangé de t'avoir vu comme des oufs, donc te casse le cou. Ouf, à l'école on fracasse tout, même les gens à la retraite ils nous balafent. Putain, chlip les tapards en couille madame. C'est ce qu'on veut nous, c'est de avoir une fric à million d'obus. On te nique et on te tue comme Sarko. La peine de mort pour baraque ou n'importe qui de nawak. Comment tu veux le faire chinois? Si t'as pas la PlayStation 4, t'inquiète pas, t'es obligé de décider psychopathe, on mange des passe-passe. Écoute, on est tous rapaces, la famille, la NIFA, on se veut tous niquer. Hello, manger roi, louf, comme une F qui te blesse, qui te nique ta nerf, de R, de l'LER, de l'air. Ça fait pac-pac, t'as compris tout quoi? Nous, on irait déranger de t'avoir vu, petite pute. T'as compris pourquoi? Ouais, t'as compris pourquoi? Nous, on est dérangés de t'avoir vu, de t'avoir vu. J'ai pute, t'as compris pourquoi? Ouais, t'as compris pourquoi? Ouais, on est dérangés de t'avoir vu, de t'avoir vu. Ok, donc quand on arrive dans les back, ah, ça fait back. Tu comprends, petit shit, des gros placos pour les gars sauf qui se prélassent. Avec un chien enragé, ouais comme fatal, Azuka ou Nuzuka, Azuka, les Yakuza dans Kill Bill Hill, ça fait d'être mort quand tu bois de la Smirnoff. Attention, tu mets ce off et t'as la patate, tous les jours à l'école, ou juste de trop quoi. Tu verras quand les gens seront trop drôles pour toi. Je me délivre un livre sur mon album, qui délivre un message de paix, PBS. Ceux qui baissent baissent dans les voitures turbo, un texte d'arabe qui s'anime ta race. Ouais, alors monte ta voix, papa, t'as compris le truc quoi? Ouais, on est dérangé de t'avoir vu, de t'avoir vu. Petite pute, t'as compris le truc quoi? Ouais, petite pute, t'as compris le truc quoi? On est dérangé de t'avoir vu, de t'avoir vu. Mais je crois que t'as pas compris. Tu suces encore des bides, ouais, dans ma cité des filles, tu suces pas putain de résine. Ouais, je crois que t'as pas compris, mais tu souffres encore, tu souffres encore. Je crois que je te dirai je t'aime un jour, mais je crois que pour l'instant c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ok, un autre jour peut-être. Je crois que je pourrais pas te rencontrer, si l'avenir me promet que de la lanzio. C'est pour les pros, dans ce qui mène, dans la tu vois. Gangsta rap, 33 H2R, j'y veux quoi, fatalité, prendre un at, achat, t'inquiète, achat. Je mangerai là, pour les hêtes, on t'inquiète de misère, guette, la zermi, truand de l'air, gars. H2R, mauvais garçon, t'as la patate, ah. C'est trivial ici, tu te reconnais pas Paka. On n'est pas Chewbacca. Ou tu feras un deuxième trou de balle comme Chabal sur l'instrumental, sale pédale. Bête, Jean-Pierre Pernaud, fils du crasse, c'est ceux qui nous crachent à la gueule. Des mots larges ouverts derrière toi, surquoise. Comme la langue de Jacques Chirac, back. On veut du shit, des gros blagos. Ou alors on fait le cul à l'envers, comme les salopes sur salope.com. Tu connais Mister Sexy. Une photo hot, tir officiel sur mon blog, Stana. Non, je déconne pas, non, ça m'inquiète. Dédicace à Ben, petite fille égotique. T'inquiète, super, là, on va se crever les yeux, ton rock à deux balles. Ok, petite pute, tu comprends le truc ou quoi? Ouais, on est dérangé de t'avoir vu, de t'avoir vu, petite pute. Tu comprends le truc ou quoi? Non. Il est qui? Je suis pas comme ça.